Alléluia. Le cri de minuit. Et dans la chambre où j'étais logé, le Saint-Esprit est tombé sur moi et commençait à me parler. Et pendant que j'étais assis, il me donnait le message de cet après-midi. Et hier, on a vu, on a parlé un peu de la prophétie biblique concernant le temps dans lequel nous sommes. Et on a compris que nous sommes dans le nouvel ordre mondial. Et les prophéties que Daniel avait données de la part du Seigneur, Daniel, Jean, concernant cet empire, ces prophéties se sont accomplies. Et maintenant, on a vu un autre passage dans Matthieu 24, le verset 45. Quel est donc le serviteur prudent, le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? On a vu qu'il y a deux choses ici que nous devons étudier dans ce verset. La première, c'est le temps. Quel temps fait-il dans l'horloge divine? On a vu hier ce temps, c'est-à-dire c'est le temps du nouvel ordre mondial. On est en plein temps. L'église est née sous le quatrième empire et l'église de la fin de temps que nous sommes se retrouve sous le quatrième empire également, sous le même empire. Donc la boucle est fermée. Et maintenant, on a compris le temps. Le temps est à ce nouvel ordre mondial qui a été annoncé par les Illuminati depuis des années, n'est-ce pas? Et on a vu également que le 25 mars 1957, l'Europe est née avec le traité de Rome, là où même le dernier empire s'était écroulé, et le dernier, n'est-ce pas, le tout dernier empire, donc Rome actuel, fut restauré. Et maintenant, quel est le message qui correspond au temps dans lequel nous sommes? N'est-ce pas? Certes, nous pouvons parler de la nouvelle naissance, la sanctification, la crainte de Dieu, c'est bien. Ce sont les bases de la vie chrétienne. Mais quel temps, quel message présentement, quel temps? On a vu qu'il y a ces deux systèmes, les deux systèmes politico-religieux sont mis en place déjà. La Babylone politique, donc le nouvel ordre mondial, le royaume de fer. Et on a vu qu'il y a la Babylone religieuse, n'est-ce pas, l'argile. Il y a une alliance entre les deux. Quoique ces deux entités ne peuvent devenir une parce que il peut y avoir de mélange entre l'argile et le fer, n'est-ce pas? Selon Daniel, ils se mêleront par des alliances humaines. Mais on a vu qu'il y a ce système politique qui est là, donc le nouvel ordre mondial, l'Europe, qui va de plus en plus s'étendre sur les nations. Et de l'autre côté, il y a ce système religieux, donc à la tête duquel il va y avoir la deuxième bête, la papauté. Et derrière la papauté, il va y avoir tous ces pasteurs qui sont alignés derrière elle. Et ces fédérations, ces dénominations, ces ismes, tout ça c'est pastoral. Et puis en fait nous sommes dans un temps où il y a de plus en plus d'alliances, n'est-ce pas, aussi bien dans le monde que dans la chrétienté paganisée. Et comme Daniel l'avait annoncé d'ailleurs dans Daniel 2, donc ils se mêleront pas, ils vont faire des alliances humaines. Et puis dans Ésaïe 31, dans ces deux chapitres, Dieu parle à son peuple. Dieu dit malheur aux peuples rebelles qui font des alliances sans me consulter et qui descendent en Égypte pour avoir la protection du Pharaon. Pharaon n'est qu'un homme et non Dieu. Voilà combien, mes amis, comment beaucoup des pasteurs s'allient avec le fer, le royaume de fer, l'empire de fer, c'est-à-dire Babylone politique, pour être protégés. Beaucoup d'églises, malheureusement, rentrent dans la compromission et se mettent sous la protection du Pharaon, n'est-ce pas, pour ne pas avoir leurs locaux fermés parce qu'ils pensent que c'est Pharaon qui va protéger leurs locaux. Et leur ministère également. Donc, ils rentrent dans l'alliance, ces pasteurs, malheureusement. Et on a vu également que tout est né à Babylone, comme l'ange l'avait dit à Jean dans Apocalypse 17, que la Babylone en question, la Babylone la Grande, est la mère de toutes les prostituées et de toutes les abominations de la terre. On a compris également que tout a pris, toutes ces mauvaises choses ont pris leur source, ont pour source la Babylone. Elles ont pris leur naissance à Babylone. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler du message qui concerne le temps dans lequel nous sommes. Et beaucoup d'églises sont en captivité. Le Seigneur, par sa grâce, m'amène au ciel. Un jour, je me retrouve devant le trône du Père et j'entends sa voix qui me dit, beaucoup des pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils le repartent avec. C'est un choc pour moi. Ça veut dire que beaucoup d'églises sont en prison, aussi bien les prisons dénominationnelles, tous ces ismes, tout ça, pentecôtisme, baptisme, protestantisme, catholicisme, tout ça, quoique je ne sois pas écuméniste, je suis contre l'écuménisme parce que Dieu est contre, n'est-ce pas? L'unité de l'Église, mes amis, est acquise depuis la croix et actualisée dans Actes 2. Le Seigneur a construit cette Église qui se retrouve autour, ses frères et sœurs, autour du seul nom qui nous est donné. Alléluia. Amen. Maintenant, on a vu que le temps est mauvais. Si nous sommes serviteurs de Dieu, si nous sommes fidèles, si nous sommes prudents, n'est-ce pas, comme le Maître nous l'a recommandé, nous devons également avoir le message pour le peuple, le message pour les nations également. L'Église doit avoir ce message. Et quel message justement? Nous sommes dans Matthieu chapitre 25, verset 1 au verset 13. Matthieu 25, 1 à 13. Le cri de minuit. On a vu hier qu'il y a une alimentation qui est adaptée à l'âge de l'enfant, de sa naissance à la maturité. Et il nous faut également comprendre cela. Quel est le message que Dieu donne à l'Église présentement? Vu qu'il y a l'apostasie, vu qu'il y a la maladie, vu que l'Église est malade. Et moi, la plupart des églises. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles, avec leur lampe, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux, allez à son rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Amen. Et le Seigneur était assis sur le mont des Oliviers. Matthieu 24 nous en parle. Il venait, en fait, il rentrait dans Matthieu 23, il allait rentrer dans Jérusalem, n'est-ce pas? Et puis, il va pleurer sur cette ville, Jérusalem, Jérusalem, qui tue et lapide les prophètes qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Désormais, votre maison vous sera laissée déserte. Jusqu'à ce que vous me disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Il rentre par la suite dans la ville, il rentre dans le temple, il va proclamer la parole. En sortant du temple, les disciples vont lui faire voir la beauté de cet édifice. Il dira, voyez-vous tout cela, il ne restera pas ici, pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alors la Bible nous dit, dans Matthieu 24, il va s'asseoir sur le mont des Oliviers. Mettez de côté vos chewing-gums, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, merci. Nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons avoir de la révérence dans sa présence. Amen. Et puis, il va s'asseoir par la suite sur le mont des Oliviers. Pourquoi? Parce qu'il va annoncer des choses concernant, n'est-ce pas, les temps de la fin. Et le mont des Oliviers est très significatif parce que quand le Seigneur va revenir, d'après Zacharie 14, il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers, justement. Donc il va s'asseoir et il va leur présenter un tableau prophétique, le tableau chronologique et prophétique, n'est-ce pas, des événements qui vont se succéder jusqu'à son retour visible, jusqu'à même à l'instauration du millénium et la destruction, n'est-ce pas, du système politico-religieux actuel. Il va s'asseoir avec les disciples et puis il va leur annoncer un certain nombre de choses qui allaient venir. Et dans Matthieu 25, justement, il dit le royaume des cieux, le royaume que vous attendez tous, le royaume dont les prophètes ont annoncé, parlé. Le royaume qui a été annoncé par ces prophètes, voilà comment ce royaume est semblable. Il dit, il est semblable à 10 vierges. Pourquoi 10? Parce que 10 dans la Bible est le chiffre, le nombre, n'est-ce pas, de l'épreuve. Donc ces 10 vierges, n'est-ce pas, sont passés par l'épreuve du temps. C'est-à-dire, l'époux a tardé. Le fait que l'époux ne soit pas manifesté tout de suite était, n'est-ce pas, fait exprès. Dieu l'a fait exprès pour pouvoir éprouver l'intention, les motivations de leur cœur. Il y a eu les 10 plaies en Égypte, n'est-ce pas, que le Seigneur avait envoyé pour éprouver cette nation. Donc 10, c'est le nombre de l'épreuve, n'est-ce pas? Et ici, ces 10 vierges étaient, mes amis, éprouvées par le fait que le Messie ne revenait pas aussitôt. Donc, et les intentions de leur cœur se sont manifestées. Et puis, pourquoi les vierges? Parce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 11, il dit: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, car je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 21, justement le verset 10 au verset 15, Dieu disait aux enfants d'Israël que le sacrificateur, le sacrificateur sur lequel sera versé, hein, sur la tête duquel sera versée l'huile d'onction, celui qui aura la supériorité sur ses frères, ne peut épouser une, n'est-ce pas, une femme, comment dire, répudiée, ni, mes amis, une prostituée, n'est-ce pas, et encore moins une femme qui a déjà connu d'homme. Et il était bien dit qu'il fallait que le souverain sacrificateur épouse une vierge. Or, comme Aaron, le premier souverain sacrificateur, était l'image de Christ, Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il ne peut qu'épouser une femme vierge, une femme qui ne se mélange pas. Donc l'église de Laodicée, l'église paganisée, l'église apostate ne peut en aucun cas s'unir à Christ, parce que c'est pas possible. Voilà pourquoi il n'y a pas de mélange, mes amis, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de rapport, mes amis. Alors Paul, dans 2 Corinthiens 6, il disait également, il dit au verset 14 là-bas, à 15 jusqu'au verset 17, 18, il dit: quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il dit: quel rapport y a-t-il? Il dit: ne vous mettez pas sous un joug étranger avec les infidèles. Et dans la Bible, il était bien spécifique qu'il ne fallait pas atteler, mes amis, un âne avec un bœuf ensemble. Donc, il ne peut pas y avoir de mélange. Donc voilà pourquoi ici, on parle de la virginité de ces femmes. Et qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit que ces 10 vierges avaient des lampes. Alléluia. Suivez très bien l'enseignement. Elles avaient des lampes. Dans Psaume 119, le verset 105, il nous a dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc les lampes ici représentent la parole de Dieu, l'évangile. Beaucoup de gens ont entendu l'évangile, aussi bien les églises réveillées que les églises apostates. Beaucoup de gens n'ignorent plus que Christ est venu sur la terre. Et puis on nous dit que les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. Elles savaient toutes que l'époux allait revenir. Elles le savaient. Et on nous dit que 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. L'huile, c'est bien évidemment, vous savez, la présence de Dieu, l'onction divine, le Saint-Esprit. Dans Exode, Dieu demande aux enfants d'Israël d'entretenir les lampes, le chandelier, avec de l'huile. Le chandelier, c'est l'image de l'Église. C'est aussi l'image des messagers, comme les deux témoins dont parle Zacharie et Apocalypse 11, qui sont les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur et qui vont libérer un message clair lors de la grande tribulation aux Juifs, justement. Et puis, le Seigneur disait que mes paroles sont esprit et vie, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas prendre seulement la lampe qui est la parole et négliger l'huile. Vous ne pouvez pas non plus prendre seulement l'huile comme les pentecôtistes et négliger la lampe, ce n'est pas possible. Il faut les deux. Si vous ne prenez que la lampe, vous serez baptiste. J'étais baptiste. Ils ont pris seulement la lampe. Ils ne veulent pas l'huile, ils ne veulent pas la manifestation de la présence de Dieu. Par les dons de l'esprit, la puissance de Dieu, la puissance de la guérison, de la résurrection des morts. Vous allez être comme les pentecôtistes si vous ne prenez que l'huile, mes amis. Il faut les deux. Alors, les folles ici n'ont pris que la lampe. Et puis regardez le verset 5. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Comme l'époux tardait. Mes amis, l'église certes est née à 2000 ans pratiquement. La période comprise entre la naissance de l'Église et l'enlèvement de l'Église, cette période est une période de fiançailles. En Israël, à l'époque, lorsqu'un homme allait fiancer une femme, il quittait la maison de son père et la fiançait. Il la dotait. Et puis, il repartait sans cette dernière. L'homme repartait pour préparer une place chez son père. Et la femme ainsi fiancée devait se préparer en conséquence. Elle devait être constamment prête parce que son époux pouvait revenir d'une seconde à l'autre. L'époux qui était parti pour préparer une place n'annonçait jamais à son épouse le jour de son retour. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme étant un bon juif, parce qu'il était 100% juif, Jésus-Christ est homme bien sûr, mais en tant que Dieu, il n'est ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il est Dieu, tout simplement. Alors, le Seigneur se servit de cette coutume. Dans Jean 14, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et lorsque je l'aurai fait, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous voyez? Donc, depuis qu'il est parti, nous préparer une place dans la maison de son Père, la Nouvelle Jérusalem. Mes amis, nous l'attendons, ça fait 2000 ans. Et ça prend du temps, c'est vrai. Nous sommes l'Église. Et nous sommes vieilles, l'Église est vieille de 2000 ans. Donc nous attendons tout ce temps-là, le retour de l'époux. Alléluia. Amen. Et dans 2 Pierre chapitre 3, il est dit ceci, à partir du verset 1er, ne dormez pas, hein? Je vais prendre mon temps pour enseigner. Alléluia. Nous devons aimer l'enseignement. J'espère que vous avez bien mangé à midi. Ceux qui ont encore leur chewing-gum, merci, que Dieu vous bénisse. Voici déjà, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Pierre dit, sachez avant tout que dans les derniers jours, eschatologie, c'est-à-dire dans le dernier de dernier, juste avant le retour du Messie, Pierre dit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moins de l'eau. Et que par ces choses, le monde alors périt, submergé par l'eau. Mais par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose, bien-aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et que 1000 ans sont comme un jour. Amen. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec les œuvres qu'elle renferme, ces belles villas, ces belles voitures auxquelles vous êtes attachés, auxquelles l'homme est attaché, auxquelles, mes amis, les faux prophètes veulent vous faire attacher, mes amis, toutes ces choses seront consumées par le feu de Dieu. Alléluia. Alors, vous voyez, mes amis, Pierre annonce qu'à la fin de temps, parce que l'époux va tarder, des hommes vont se lever, des impies, c'est-à-dire des faux prophètes. Ils vont commencer à mettre en cause le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église. Et de plus en plus, mes amis, des faux prophètes sont suscités, notamment aux États-Unis, et qui prêchent l'évangile du royaume, c'est-à-dire un évangile complètement tronqué. Il y a l'évangile du royaume, certes, mais leur évangile du royaume, c'est un évangile qui est complètement, mes amis, falsifié, altéré, un évangile qui sort de l'enfer. C'est-à-dire, c'est Kingdom Now, c'est comme ça qu'on appelle ce mouvement. C'est le royaume maintenant. Donc, ils vous disent que nous sommes déjà dans le millénium, le Seigneur ne va pas revenir comme ça, n'est-ce pas? Et ce sont les méchants qui vont être enlevés et tout ça. Donc, il n'y aura pas l'enlèvement de l'Église. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises ne prêchent plus sur l'enlèvement de l'Église. Sur la fin de temps. On nous parle, mes amis, des histoires. On nous raconte des mes amis, des histoires. Ce qui est des termes que je ne vais pas employer ici, par respect pour le Seigneur et pour vous. Alléluia. Parce que les bouts tardent. Le Seigneur a mis du temps, il met du temps. Parce qu'on dit un jour est comme 1000 ans. Il est hors du temps. Nous sommes contrôlés, gérés par le temps, mais le Seigneur est au-dessus du temps. Et un jour est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour. Alors, nous sommes tellement impatients. Alors, des fois, le prophète se lève. Il commence à vous dire, écoutez, vivez comme vous voulez parce que le maître ne reviendra plus jamais. Faites ce que vous voulez. Péchez. Vivez dans la licence. Voyez comment beaucoup d'églises sont endormies. Et la Bible nous dit ici, le maître nous dit dans Matthieu 25, que toutes ces vierges s'étaient assoupies d'abord et par la suite, elles vont s'endormir. On commence d'abord par s'assoupir un tout petit peu, hop, n'est-ce pas? Et par la suite, on rentre dans un profond sommeil, le coma spirituel. Les églises, mes amis, sont dans le coma spirituel actuellement. Je vous dis, 90% des églises que vous connaissez sont dans le coma spirituel. Vous savez ce que c'est le sommeil ici? C'est la mort. Quelqu'un qui est complètement dans le sommeil n'est plus conscient de son environnement. Voilà comment beaucoup d'églises, mes amis, ne sont plus conscientes du péché qui les entoure, du péché qui sont, mes amis, au milieu d'elles. Des gens qui chantent, qui sont le péché, des prédicateurs de l'évangile de la prospérité qui viennent nous prêcher l'évangile complètement tronqué, des églises qui deviennent de monarchie, du grand-père, le père, le fils et les petits-enfants, des églises qui sont gérées par des couples qui sont devenus, mes amis, où vous avez vu la femme de Pierre gérer une église avec Pierre à la tête. Alléluia. Amen. On confond le ministère et l'église. Alors, toutes ces églises se sont endormies. Ça veut dire que, mes amis, l'endormissement dans lequel les églises sont plongées, le sommeil, le coma dans lequel les églises sont plongées actuellement, n'est pas nouveau. Le Seigneur nous avait déjà avertis. Toutes. Regardez depuis la naissance de l'église. Du premier siècle, quand l'église est née, mes amis, il n'y avait ni clergé, ni bâtiment qu'on appelle l'église. On ne voit aucune église biblique dirigée par un homme qu'on appelle le pasteur. Une seule mention dans tout le Nouveau Testament de la fonction pastorale, Éphésiens 4, et encore là, le mot pasteur est au pluriel. C'était les équipes des anciens. Ignace d'Antioche vient avec ses écrits. Il dit non, il faut que les églises soient dirigées par un seul évêque, le pasteur. Il a vécu entre 35 et 107 après Jésus. Il a connu les apôtres. Il dit là où est l'évêque, c'est là où il y a l'église. Alors que le Seigneur dit là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Amen. Cyprien de Carthage, qui a vécu au début du 3e siècle, lui dit chaque église doit être dirigée par un seul homme. Chaque troupeau du Seigneur doit avoir à sa tête un seul berger. Cyprien de Carthage, c'est lui qui a remis à l'ordre du jour la dîme. Si vous payez la dîme, c'est Cyprien qui a remis la dîme à l'ordre du jour. Alors, mes amis, Clément de Rome, qui est mort dans les années 100, lui aussi était pour la suprématie de l'évêque de Rome. Tous ces pères de l'église, la plupart d'entre eux néanmoins, avec leurs écrits, ils ont paganisé l'église. Et laissez-moi vous dire, Jérôme, un grand érudit de la parole, va traduire la Bible du grec et latin, du grec et hébreu en latin. Cette Bible, mes amis, qui a été, comment dire, traduite totalement et finalisée en 405 après Jésus-Christ, la Bible en latin, la Vulgate, va devenir une exclusivité de l'église romaine. Et pendant 4 siècles, pendant 12 siècles pratiquement, je dirais, pendant 1200 ans, 1200 ans pratiquement, cette Bible était, mes amis, interdite au peuple. La vérité était cachée. Ceux qui avaient des portions de la parole de Dieu étaient lapidés, brûlés vifs. Et la papauté à elle seule, après, a fait plus de 3 millions de morts chez les chrétiens. Fidèle à la parole, à la doctrine apostolique. Vous comprenez, mes amis, pendant plus de 1200 ans, il y a eu la mort spirituelle. L'église s'est endormie. C'était le règne du catholicisme romain, la seule église universelle d'après ses hommes. Et au 12e siècle, Dieu va réveiller cette église. Dieu va la réveiller, Dieu va réveiller son peuple. Parce que dans le système catholique, il y avait des hommes qui cherchaient Dieu, honnêtement. Et Dieu va susciter deux instruments plusieurs instruments avant eux. Farel, qui était aussi un catholique, et qui disait, j'ai longtemps cru que le petit, la petite hostie que le prêtre me nous donnait, c'était elle, mon seul Dieu. Et il va commencer à prêcher la vérité, il va précéder Calvin, Luther. Et lorsque Dieu va se révéler à Luther et Calvin par la suite, ils vont commencer à proclamer la vérité. Et l'église, beaucoup d'églises sont réveillées. La Bible va être traduite en allemand dans la langue du peuple. Et voilà, mes amis, malheureusement, ces hommes aussi, avec leur... Ils sont mal comportés dans certains domaines. Et quand ils sont morts, le système protestantisme va prendre l'ampleur. Mes amis, cette église va s'endormir également. Et au 18e siècle, Dieu suscite d'autres personnes, les puritains, qui prêchaient la sanctification, qui vont donner naissance, mes amis, aux églises évangéliques. Ils vont être persécutés, ils vont se réfugier aux États-Unis pour donner naissance aux États-Unis d'Amérique. Et il y a eu des hommes comme John Wesley, comme Charles Finney par la suite, qui ont prêché la vérité. Et l'église au 18e siècle s'est réveillée avec un nouveau flambeau, frère, la vérité de Dieu. Et malheureusement, quand ces hommes sont morts, ben, les églises évangéliques, mes amis, sont devenues pire que le catholicisme romain, mes amis. Ils ont chaque église à leur tête un pape qui est là, qui gère l'œuvre comme une entreprise familiale, mes amis. Et avec les fédérations, avec le système complètement paganisé. Et Dieu a suscité d'autres personnes pour crier. Et au 20e siècle, le Seigneur a suscité le mouvement pentecôtiste avec William Seymour, avec Parham, avec d'autres personnes qui ont commencé à prêcher la sanctification, la vérité, le parler en langue, tout ça. Il y a eu ce feu, ce réveil qui a secoué ces hommes de cette époque. Ce réveil a atteint le monde. Ce réveil va donner naissance au mouvement pentecôtiste. Par la suite, aux assemblées de Dieu, mes amis, avec en France, Douglas Scott. Et par la suite, ce mouvement, mes amis, est tombé dans l'apostasie. Et nous sommes dans cette apostasie actuellement, mes amis, dans les nations. Des mouvements de réveil qui existent ici et là, mes amis, dans les années 30, aux États-Unis, en Afrique, avec Simon Kimbangu, qui n'a pas créé ce mouvement, là, le kimbanguisme, qui est une secte, mes amis. Et des hommes ici et là, comme Kakou Severin, et plein d'hommes dans les nations, pour proclamer la vérité de Dieu. Mais nous sommes présentement, mes amis, dans le sommeil spirituel. La vérité a disparu, pratiquement a disparu de beaucoup de bouches, de beaucoup d'églises. Alors vous voyez comment ces vierges se sont endormies. Alors on nous dit qu'au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, quelqu'un vient au milieu de la nuit, à minuit précisément. On cria, voici l'époux. Je vais vous dire présentement, nous sommes dans l'horloge divine, nous sommes pratiquement à minuit. Je dirais, nous sommes à minuit. Ouais, quel temps fait-il dans l'horloge divine? C'est minuit. Pourquoi minuit? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? La nuit, c'est quoi? Écoutez très bien ce que Dieu a à nous dire. Les ténèbres envahissent les nations présentement. En fait, pour votre information, la boucle est fermée. Nous sommes repartis à Genèse 1. Les ténèbres qui régnaient sur la terre. Avant que la lumière ne vienne, le Messie, il y a d'abord les ténèbres. Vous comprenez? C'est le règne des démons, l'apostasie. Vous comprenez pourquoi beaucoup d'églises sont malades? Parce que c'est minuit, c'est l'apostasie, c'est les ténèbres, le péché, le divorce chez les chrétiens, le remariage, l'adultère, la convoitise, la cupidité, le racisme, la haine, l'orgueil, le cléricalisme, le sacerdotalisme, la religion, Babylone, c'est minuit, c'est les ténèbres, c'est l'apostasie. Alors, écoutez, nous sommes dans Sophonie, chapitre 1er. Beaucoup de chrétiens n'ont pas l'habitude de lire Sophonie. Beaucoup aiment les psaumes. Hein? L'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. On connaît ce psaume, le psaume 23. Quand même on sera dans le péché, on veut quand même que Dieu soit notre berger. Alléluia. Amen. Sophonie, chapitre 1er. Nous sommes au verset 7. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tout le monde est là? Sophonie, vous avez du mal, hein? Chapitre 1er. Silence devant le Seigneur, l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice, il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les filles, les fils du roi, et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et regardez le verset 14. Le jour de l'Éternel est proche. Et il est comment ce jour? Le jour de l'Éternel fait entendre quoi? Sa voix. Amen. Et le héros pousse des cris amers. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ténèbres et d'obscurité. Ça veut dire qu'avant que le Seigneur ne revienne nous chercher, il faut d'abord que les ténèbres se positionnent. Il faut que les ténèbres s'établissent sur toute la terre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. C'est minuit, c'est la nuit. Le péché, un jour de ténèbres. Alors, vous comprenez pourquoi, mes amis? Parce qu'il fait tellement nuit que beaucoup de chrétiens se sont endormis. Beaucoup de pasteurs se sont endormis. Beaucoup d'églises, beaucoup de prophètes se sont endormis parce que ce sont les ténèbres. Les ténèbres ont réussi à rentrer dans beaucoup d'églises. Les ténèbres ont réussi, mes amis, les démons, à diriger, à contrôler beaucoup de pasteurs. Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2. Il dit avant le jour du Seigneur, avant notre réunion avec lui et son avènement, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est une obligation. L'apostasie, c'est la défection de la foi, l'abandon de la foi. Il faut que beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, que beaucoup d'églises se détournent du message central, se détournent de la personne de Yoshua. C'est une obligation. Et le Seigneur l'a dit dans Luc 18, verset 8 à 10, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Et dans Matthieu 24, 12, il dit, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est l'amour agapé, l'amour pour la vérité, l'amour de la vérité. C'est minuit. Amen. Amen. Et parce que c'est minuit, mes amis, on nous dit que on cria. On cria quoi? Voici les finances. Voici le mariage. On crie à quoi? Voici l'époux. Écoutez, chrétien, écoutez-moi. Voici l'époux. Il est minuit dans l'horloge divine actuellement. D'accord? Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, ceux qui aiment le Seigneur, quittent ces assemblées paganisées. Ils sont dans des maisons. Et beaucoup de véritables pasteurs quittent les fédérations, quittent le système. Parce qu'il fait minuit. Alléluia. Amen. Alors, quel est le message de minuit? C'est le cri. Et ce cri annonce quoi? Le cri de minuit égale la révélation de l'époux. Voici l'époux. Le tout dernier message qui va préparer l'église à l'enlèvement, c'est la révélation de Yoshua comme étant l'époux que l'église a perdu. Amen. Quelqu'un m'a entendu? Amen. Si dans une église, on ne vous parle pas de Jésus comme étant l'époux, prenez vos jambes à vos cous, courez. Amen. Alléluia. Amen. Si on vous parle de la dîme, si on vous parle, mes amis, des bâtiments, la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc le dernier aspect de Yoshua que l'église va comprendre, c'est l'époux. Dis à ton voisin l'époux. Ok. Avant de parler de l'époux, parlons d'abord du cri. Qui sont ceux qui vont crier? Mes amis, le Seigneur est venu. En fait, sa venue était en deux temps. Il est venu premièrement pour les Juifs, pour restaurer la nation d'Israël sur le plan spirituel, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Ils l'ont rejeté. Il est venu chez les siens, les siens ne l'ont pas point reçu. Mais avant que le Messie ne vienne, écoutez bien l'enseignement, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant que l'époux ne vienne lors de sa première venue, Regardez la question que les Juifs se sont posée dans Malachie chapitre 2, le verset 17. Quelqu'un va nous le lire à haute voix. Qu'est-ce qui s'est passé avant la première venue du Messie? Malachie chapitre 2. Bon, je vais le lire pour vous. Le verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. Et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice? C'est la question que les Juifs se sont posées après l'exil babylonien. Ils ont reconstruit le temple avec Zorobabel. Et ils se sont aperçus que ce temple n'avait pas la gloire de Dieu. Bien qu'il soit, qu'il ait été restauré, reconstruit, Dieu n'était pas dedans. Parce que Malachie 1 nous dit que les sacrificateurs, le culte était souillé. On offrait à Dieu des offrandes, des animaux, mes amis, boiteux, aveugles. Les offrandes n'étaient pas en accord avec la parole. Et dans Malachie 2, les sacrificateurs s'étaient corrompus. Et Dieu ne pouvait que quitter ce temple. D'ailleurs, il n'était même pas rentré dans ce temple. Et le peuple se pose la question, mais où est le Dieu de la justice? Où est sa gloire dans le temple? C'est la même question que beaucoup de chrétiens se posent actuellement. Où est Dieu? Nous avons des beaux bâtiments. Nous sommes bien habillés, costumes, cravates. Nous avons des prélats qui sont en soutane, qui sont en cravate. Mais où est Dieu? Vous comprenez? Et le peuple se pose la question, où est le Dieu de la justice? Pourquoi ne rend-il pas justice aux malheureux? À ceux qui sont dépouillés par les sacrificateurs? Où est le Dieu de la justice? Et Dieu répond à cette question dans Malachie 3. Au verset 1, il dit, avant que je ne vienne, voici j'enverrai quoi? Qui plutôt? Mon messager. J'enverrai mon messager. Il préparera, n'est-ce pas, le chemin devant moi. Et quand il l'aura préparé, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez voir. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Avant sa première venue, le peuple d'Israël était tombé dans l'apostasie. C'était les ténèbres également. Ésaïe 8, 23 nous dit, Ésaïe 9 nous dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ésaïe 9, 1. Et Dieu répond à la question du peuple, avant que je ne vienne, j'enverrai d'abord mon messager, Jean-Baptiste, Élie, avec un message clair pour préparer le chemin du Seigneur. Et dans Ésaïe 40, le verset 3, au verset 5. Il est dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Les montagnes ici sont, mes amis, des forteresses. Et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Verset 6, une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? C'est Jean-Baptiste qui est venu pour crier. Pour crier. Jean n'est pas venu pour philosopher. Il n'est pas venu avec, mes amis, des diplômes théologiques. Les gens qui sont les ténèbres n'ont pas besoin de la théologie. De la rhétorique. Oh, j'ai fait 4 années de théologie, on s'en fout. Dis à ton voisin, on s'en moque. Là, ça vient, là. La colère monte. Oh, je fais l'école de oral, Robert, on s'en fout. Nous sommes à minuit, on a besoin du cri. Même un bébé peut crier. À la naissance, les enfants crient. Quand l'église est née, l'église a crié. Amen. 120 langues différentes. L'église a crié en 120 langues différentes. Ah! arrière. Et on n'apprend pas, ce n'est pas un homme qui peut t'apprendre à crier. Quand tes poumons se remplissent d'air, ça fait tellement mal, les douleurs d'enfantement, que tu ne peux que crier. Une voix dit, crie. Jean répond, je vais crier quoi? Alléluia! On envoie, mes amis, dans Jean 1. Nous sommes dans Jean 1. Dis à ton voisin, Dieu va te réveiller. Voilà. Dieu va secouer ta théologie, ta doctrine. Jean chapitre 1, le verset 19. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara sans restriction. Il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Donc Moïse a parlé, bien sûr, hein, de Deutéronome 18:15. Ça, c'était une question piège. Hein. D'abord, on demandait, est-ce que tu es le Messie? Il dit, non. Est-ce que tu es le prophète? Parce que c'est la même personne, en fait. Jean dit, mais non. Et il répond, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. C'est tout. Je ne suis qu'une voix des années 40. Le messager qui prépare la venue du Messie. Jésus est le plus grand roi. Et en tant que roi des rois, avant qu'il ne se manifeste, il faut préparer son chemin, frère. Il faut tapisser la route. Et il fallait préparer le chemin où? Dans les déserts, il y en a plusieurs. Dans les lieux arides. Bizarrement, dans Matthieu 12, 43, on nous dit que lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides. Donc ça veut dire que ceux qui sont appelés à crier, ils vont dans le camp de Satan pour arracher les âmes que l'enfer, que la Babylone tient dans ses griffes. Ils vont à la confrontation des ténèbres. Ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause de la part de leur témoignage et à cause du sang de Yoshua. Des hommes et des femmes qui vont à contre-vent, qui vont voir le Sanhédrin moderne, comme Pierre, Jacques et Jean. Nous ne pouvons ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Ils vont dans le camp de l'ennemi, frère. Comme le maître, il est allé dans le désert, confronté pendant 40 jours, le royaume des ténèbres. Et c'est là qu'il faut couper le chemin. Alors, Jean dit, je ne suis qu'une voix. Une voix qui crie. Abeli, il a crié. Et au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a crié d'abord. Les gens se sont réveillés. Le cri, regardez, le cri va te réveiller. Et une fois que tu es réveillé, on te dit, voici maintenant l'époux. Parce que ceux qui dorment, ils ne voient plus. Alors avant qu'ils ne voient, il faut les réveiller. Et pour les réveiller, il faut leur crier dessus. Alléluia. Il voit Jésus passer. Il dit à ses disciples, voici l'agneau. Il répond à la question d'Isaac dans Genèse 22. Il y a le bois, la croix, il y a le feu, le jugement. Mais où est l'agneau? Abraham a dit, Dieu lui-même pourvoira. On n'a pas donné l'agneau, on a donné le bélier, le père. Et il fallait que Jean crie et présente l'agneau. Et ceux qui étaient destinés au salut ont suivi l'agneau. Pierre, Jean, Jacques. Maintenant, dans notre génération, qu'est-ce qui se passe, frère? Eh bien, c'est la même chose. L'église est endormie. Nous sommes à minuit. Beaucoup sont fatigués. Il n'y a plus les délivrances. Il n'y a plus les guérisons véritables. Nous avons des ministères qui se disent des ministères de délivrance qui viennent, qui font des séminaires ici et là. Et ils chassent les démons qui ne sortent jamais. Alors ils ont mis la cure d'âme en place. La cure, dis à ton voisin, cure d'âme. Vous voyez les ténèbres, non? Cure d'âme. Ton âme, jusqu'à quand ton âme sera-t-elle définitivement curée? Alléluia! cure d'âme vient de curer. Curer. Et c'est Constantin qui l'a mis à comment c'est Calvin qui l'a officialisé. Il a dit que le pasteur doit curer les âmes. On te ramène jusqu'à l'époque d'avant Adam. On est fatigué. C'est minuit. Beaucoup de couples sont divisés, brisés. Dans nos assemblées, des parents qui sont rejetés. On dit non, ton maman, ta maman, ton papa est sorcier, ta maman est sorcière. Ce sont des sectes qui viennent briser la famille. C'est les ténèbres, c'est les ténèbres, frère. Alors, quelqu'un vient et écrit, voici l'époux. Voilà pourquoi dans cette génération, Dieu est en train de susciter des hommes et des femmes. Il y en a, ils ont été pollués par la religion comme nous autres. Mais Dieu les aime tellement qu'il les sort. Il les prépare dans les coulisses. Ils sont incompris. Ils sont blessés, traités d'antéchrist, de magiciens. On est maudit par la religion, par des charlatans, des faux pasteurs. Mais ce n'est pas un problème. Ça fait partie de leur formation. Dieu les forme dans la souffrance. Ils sont en train d'être préparés par le Seigneur et ils vont commencer à crier. On va leur demander, mais de quelle école théologique êtes-vous sorti? Ils vont répondre, on n'a pas eu besoin d'une école pour apprendre à crier. On va leur demander, êtes-vous apôtre? Non, je ne suis pas apôtre. Docteur? Non, je ne suis pas docteur. Les docteurs sont dans les écoles théologiques qui sont enfermés là-dedans. Mais je ne veux que crier, je ne suis qu'une voix qui crie. Je vous dis une chose. Pour réveiller quelqu'un, il faut, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous le caressez, la personne va rester endormie. La personne est endormie, vous allez parler, mes amis, de la rhétorique. Ah, tu es beau, tu es grand. Entre-temps, la personne ronfle. Hein? Mais il faut crier. Jacques! Oh! Alléluia! On va dire, mais il n'est pas sage. Il ne faut pas crier comme ça. Ésaïe 58, verset 1er, Dieu dit, crie à plein gosier. Ne te retiens pas. Le cri, c'est l'appel à la sanctification. Le cri, c'est le ministère prophétique. Dieu suscite des prophètes et des prophétesses qui vont crier comme une trompette. Alléluia! Alléluia! Des prophètes et des prophétesses. Ils vont crier, crie encore. Suivez l'enseignement, s'il vous plaît. Ne me laissez pas distraire. L'équipe de Paris, vous savez comment on fonctionne. On devait être vigilant. Criez! C'est le cri de minuit. Les gens sont endormis. Arrêtez avec la rhétorique. Arrêtez avec, mes amis, les belles paroles. Dans chaque... À chaque fois que l'histoire, dans l'histoire de l'église, à chaque fois que cette église s'était endormie, il y a eu des prophètes qui ont été suscités. Et cette génération a besoin, mes amis, plus que jamais des prophètes. Et ce ne sont pas des hommes qui vont venir avec des étiquettes. Des hommes et des femmes. L'église va rentrer dans son appel prophétique. Le prophète, c'est lui qui révèle Dieu aux hommes. C'est lui qui manifeste la gloire de Dieu. Et les hommes vont voir que Dieu est Dieu. Alléluia. L'église de Yeshua est en train de préparer pour commencer à crier, frère. Wesley a crié. Jean-Baptiste a crié. Paul a crié. Jonathan Edwards, Kaku Souverain, Simon Kimbangu, c'est des prophètes qui ont crié. À chaque fois que l'église de leur époque était dans l'apostasie, Dieu les a suscités. Les trompettes. Voilà pourquoi en Israël, l'une de sept fêtes de l'Éternel, c'était la fête des trompettes. Qui avait pour but, mes amis, de rassembler les Juifs. Et la fête des trompettes, mes amis, était aussi une fête qui parle, qui préfigurait l'enlèvement de l'église au son de la trompette. Et Jean, après ces quatre temps, une voix comme le son d'une trompette qui nous dit, monte ici. Des hommes et des femmes qui vont commencer à crier. Quand Dieu m'a dit de commencer à crier, je pensais être mes amis seuls. Et je me suis rendu compte qu'il y a de plus en plus de frères et sœurs dans les nations, des hommes de toutes les nationalités qui ont reçu le même fardeau et qui se mettent à crier Parce qu'il y a les douleurs de l'enfantement, mes amis. Ils ont la haine contre le péché. Ils ont la haine contre la compromission. Ils détestent la religion, frère. Ils détestent le système des clergés. Et ils sont en train de crier, frère. Attention, je parle de ceux qui sont de costume, les gars. Ils ont des costumes, les cravates sont mauvais. Mais ce n'est pas un habit, l'habit du pasteur. Ils ont compris ça. Comme on nous l'a fait croire. Tu veux te mettre en jean basket, sans toi libre. Dès l'instant où c'est descend. Le cri de minuit. Actuellement, qui crie, mes amis? Beaucoup ont peur. Non, si je crie, on va me rejeter. Je vais perdre ma réputation. Quelle réputation? Dieu dit dans Joël 2, crie comme une trompette. Fais connaître à mon peuple ses iniquités, son péché. Nous voulons dire tout haut aujourd'hui ce que beaucoup de gens disent tout bas. On voit un pasteur le péché, on dit non, c'est un homme de Dieu, il est loin de Dieu. Nous sommes tous en tant que chrétiens loin du Saint-Esprit, frère. Ne touchez pas à loin de Dieu. Non, il n'est pas loin pour pas l'onction. Loin pour pas la distance, frère. Celui qui est loin de Dieu, c'est l'église du Seigneur. Si tu es membre de cette église-là, alors tu as le Saint-Esprit. Tu es loin du Saint-Esprit. Et parce que tu as l'Esprit, tu peux crier, frère. Et on crie quoi? Les dénominations? Non. Ne cherche pas à ce que Chora te parle de la dénomination. Non, on n'est plus dedans. Ce n'est plus mon message. Oh, frère, je veux te suivre. Non, je ne suis qu'une foi. Je n'ai aucune solution pour toi. Malheureusement. Nous crions. Quoi? Voici l'époux. Voici l'époux. Combien de chrétiens sont-ils dans l'amour avec l'époux? Qui est l'époux? Qui est l'époux? Regardez. Jésus l'époux. Oh mes amis. Jésus l'époux. Est-ce qu'il est ton époux? Éphésiens 5. Suivez très bien. L'époux. Je vous disais tout à l'heure que c'est le dernier message. Le message ici dans Matthieu 25, on a vu que c'était le dernier message avant l'enlèvement. Voici l'époux. Alléluia. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'homme, de l'église qui est son corps. Et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette église, comment? Glorieuse, hein? Est-ce que nos églises sont-elles glorieuses aujourd'hui? Glorieux en doxa en grec, qui veut dire dans l'éclat de la sainteté. Est-ce que quand on rentre dans nos réunions d'assemblée, nos réunions d'église, est-ce qu'il y a cette atmosphère de gloire où les gens se lèvent pour confesser eux leurs péchés? Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse d'abord. Sans tâche. Ni ride, c'est-à-dire une église qui a vieilli à cause de la loi de Moïse qui a vieilli d'après Hébreu. Ce qui a vieilli est prêt de disparaître, Hébreu 8, 13. Or, beaucoup d'églises sont liées à Moïse encore. Et puis, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église. parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Regardez le verset 32. Lisons-le à haute voix, le verset 32. 1, 2, 3. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. Paul compare la relation entre l'Église et Christ à la relation entre l'homme et la femme. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez. Entre l'homme et la femme, mariés bien sûr, l'apogée de la relation entre l'homme et la femme, c'est quoi? C'est l'intimité physique. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là que l'homme et la femme deviennent un aussi. Alors, entre Christ et l'Église, c'est l'intimité que nous avons avec lui qui nous donne cette force pour tenir. Alors dites-moi dans nos églises, combien de pasteurs, combien d'églises, combien de chrétiens ont une réelle intimité avec l'époux? Vous passez plus de temps devant la télévision que dans la Bible, que dans la prière. Plus de temps pour parler de vos ministères. Vous passez même plus de temps dans vos réunions d'église que devant le Seigneur chez vous. Donc il n'y a aucune intimité. Comment voulez-vous recevoir la force spirituelle? Parce que l'intimité entre l'homme et la femme, c'est le summum de leur relation. C'est l'apogée de leur relation. L'intimité entre Christ et l'Église, Paul dit, il y a un mystère. Vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens sont toujours dépendants de leur pasteur? Moindre bobo, pasteur, pasteur, pasteur. Le pasteur a remplacé l'intimité que tu dois avoir avec le Seigneur. Voilà comment beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres viennent et vous disent, payez la dîme, payez l'offrande du prophète, on ne reçoit pas l'homme de Dieu les mains vides. Voilà comment, mes amis, vous cherchez cette relation et vous êtes complètement dépossédés de votre héritage. Christ n'est pas connu par beaucoup de chrétiens comme étant leur chéri. Est-ce que tu peux l'appeler mon chéri d'amour? Voyez, hein? Paul dit, je vous ai fiancé à un seul époux. Et pas à moi, Paul, mais à lui. Les ministères que Dieu a suscité, ceux-là qui sont appelés à crier, c'est pour présenter l'époux. Or, beaucoup de pasteurs, comme Dieu me l'a dit devant son trône, ils ont pris le peuple de Dieu en otage. Quand il y a un séminaire à côté, ils leur disent, n'allez pas là-bas, c'est l'antéchrist. Les chrétiens sont en prison pastorale. Quelqu'un m'entend ce soir? Il y en a qui vont faire le prélèvement de la dîme sur vos comptes. Les collecteurs d'impôts. Alléluia! Oui, mes amis, ça passe ou ça casse. Si tu ne payes pas, tu seras maudit. Un père qui maudirait son fils. Vous êtes béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Nous dit Éphésiens 1:3. Et l'on vient vous dire, vous serez maudits. Si vous voulez, attention, attention, attention. Il y a trop de feux rouges dans nos églises. Où est l'époux? Paul dit c'est un mystère. La relation entre l'église et Christ est un mystère. Regardez, regardez, regardez, s'il vous plaît. Christ l'époux. Nous sommes dans Cantique de Cantique, chapitre. On n'aime pas trop lire ce verset, ce livre. Hein. Dans les églises, on connaît bien les psaumes. Et quel autre livre qu'on aime bien étudier? À part les psaumes, Malachie, chapitre 3, verset 10. Alléluia. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Apportez, apportez, apportez. La Sulamite avec Salomon. Salomon, c'était le roi le plus sage. Donc, c'était une représentation, une image de Christ, la sagesse personnifiée. Cantique de Cantique, Nous sommes dans le chapitre 1er. Cantique de Salomon. Qu'il me baise des baisers de sa bouche. Car ton amour vaut mieux que le vin. Tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Le nom de Jésus dégage un parfum. Et quand on porte ce nom-là, on dégage ce parfum-là. Quel parfum dégages-tu? L'épouse dégage le parfum de l'époux. Et Paul dit, nous sommes le parfum de Christ. Dans 2 Corinthiens 2, quel parfum dégages-tu? Il y en a qui dégagent le mensonge. D'autres l'impudicité. Quand on le voit comment ils sont habillés, l'impudicité. Ils donnent aux gens des pensées impures. D'autres, quand ils parlent, sont des insanités. Mais ils se tiennent devant le peuple pour prêcher. Quel parfum dégages-tu quand tu ouvres la bouche? Parce que le nom de Jésus est un parfum, frère. Ce n'est pas le parfum Boss, ni Chanel, Coco Chanel. Mes amis, le parfum, quand tu parles du fond de ton cœur, les gens sont bénis. Ça, cette soeur, quand elle parle, ce sont des paroles de grâce assaisonnées du sel. Mais les pasteurs, quand ils prennent le micro, mes amis, les gens baissent le regard. Malédiction sur malédiction. Dis à ton voisin, Babylone. Non, dis encore, il n'a pas entendu. Babylone. Voilà. Il y a des chrétiens dans leurs assemblées, ils savent déjà quand le pasteur prend le micro, il y a un dîme encore. Le seul parfum que tu dégages, c'est la dîme. L'autre parfum, c'est le bâtiment. Ton nom est un parfum. Oh, j'aime le nom de Yoshua, frère. C'est le nom le plus glorieux. Pierre dit, il n'y a aucun autre nom qui nous est donné. Ce n'est pas le kimbanguisme qui sauve. Ce n'est pas le pentecôtisme qui sauve. Ce n'est pas le chorisme qui sauve, mes amis. C'est le seul nom qui nous est donné, frère. Aujourd'hui, on vous reconnaît en tant que chrétien par rapport à quoi? Par rapport aux dénominations. Tu es baptiste? Oui, ah, c'est bon, tu es mon frère. Mais bibliquement parlant, on se reconnaît parce que nous portons le nom de Yoshua. Le nom de cet homme de Galilée. Et quand tu le reçois, tu commences à sentir bon. On dit, mais Jacques a changé, oui, parce qu'il porte le nom qui dégage ce parfum-là. Est-ce qu'il est ton époux? Est-ce que tu es fiancé à ce nom-là? À l'homme de Galilée, mon frère, ma soeur. Regarde ton accoutrement. Comment tu t'habilles? Ventre en l'air. Oh, parce qu'il fait chaud. Quel parfum dégages-tu? L'impureté, la séduction. Maquillage à outrance. Cheveux de toutes les couleurs. Piercing. Quel parfum dégages-tu? Jupe, mini-jupe jusqu'ici. Tu te mets devant pour que le pasteur te voit. Impudique. Les cheveux de la sirène des eaux. Quel parfum dégages-tu? Voici le bout. Tu es dans le concubinage, non? Quel parfum dégages-tu? Oh, j'attends l'enlèvement de l'église. Quel enlèvement de l'église? Tu vas rester, mon ami. Il reviendra chercher sa femme et non la prostituée. Et écoutez. Verset 12. Là, c'est la Sulamite, l'église qui parle de son roi, de son époux. Regardez. Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exalte le parfum catholique. Non. Le parfum protestant. Non. Le parfum évangélique. Non. Quel parfum? Son parfum. Un frère m'a posé une question. Connais-tu une église ici, tout ça? On me pose la même question partout. J'ai dit, je vais répondre à cette question plus tard. Mais je crois que la réponse est là. Vous pouvez avoir leur réponse. Je ne peux pas vous recommander quoi que ce soit là. Je vais vous dire une chose. Si vous êtes l'épouse, votre nard va sentir le parfum de l'époux. Si vous allez quelque part, vous allez sentir ce parfum là. Il est ici. Je reste ici, mon ami. Alléluia! Je ne peux plus m'asseoir dans un dans une assemblée babylonisée, mes amis. Quand je m'assois comme ça, là, je vois comment ça fonctionne. Là, je sors. Il n'y a pas le parfum. Parce que les chrétiens sentent le parfum de leur pasteur. Ça ne sert à rien. On va chez les catholiques le parfum de Benoît XVI. Oh, c'est pas la peine. On va chez les Kimbanguis, c'est. Ah non, c'est pas la peine. On cherche le parfum. Il est où le parfum là? Ah c'est là. Ah frère, tu es mon frère, tu es ma soeur. On adore ensemble. Mon art exalte son parfum. Parce que tu as été mis sur l'autel. Son feu t'a consumé. A consumé les impuretés. Et maintenant tu dégages le parfum de l'Éternel. Mon art, mon ministère dégage son parfum. Mon assemblée locale dégage son parfum. Mon couple dégage son parfum. Mon langage dégage son parfum. Mon regard, mon habillement, mon apparence dégage son parfum. Je le kiffe. C'est mon doudou d'amour. Il m'a dragué et je me suis laissé draguer. Parce que jamais on m'a parlé comme cet homme. Sa démarche est trop excellente. Il est un star de star. C'est l'excellence personnifiée. La beauté personnifiée. Il avait dit à Moïse, fabrique-moi un parfum. C'était pour parler de son parfum, le parfum de Christ par le Saint-Esprit. C'était une image. Il dit que personne ne prenne ce parfum de l'usine pour lui. C'est pour moi. Mon art dégage son parfum. Est-ce que toi, église locale, dégages-tu le parfum de Yoshua? Oh, mon fiancé. Mon bien-aimé. Alléluia. Paul dégage ce parfum, frère. Voilà pourquoi il pouvait dire, imitez-moi. On dit non, il était orgueilleux. Non. Il dit, Christ est ma vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Voilà pourquoi il dégage ce parfum. Il dit aux uns, nous dégageons une odeur de mort. Mais aux autres, la vie. Est-ce que tu veux savoir? Regarde. Juste, je vais vous lire un passage, vous le notez simplement. 2 Corinthiens. Ah, Paul avait reçu la révélation par rapport à l'époux. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous à tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de qui? Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la et qui est suffisant pour ces choses. C'est terrible ça. Pour dégager le parfum de quelqu'un, il faut être dans son intimité. Il y a beaucoup de les vrais pasteurs n'ont pas besoin de le dire. Les vrais chrétiens ne le disent pas. Quand on les approche, on sent la sainteté. On a envie de rester dans leur présence parce qu'ils dégagent la vie. Babylone sent l'odeur de la richesse et puis de l'Odyssée. Cantique. Est-ce que tu es béni là? Est-ce que tu es béni? Cantique. Chapitre 4. Regardez ce que le Seigneur dit à l'église ici. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Regardez la description que le Seigneur fait de son épouse. Est-ce que Jésus, en regardant l'église actuelle, peut-il, mes amis, faire cette description? En regardant nos assemblées, mes amis, en parlant des yeux, en parlant des temps, regarde la description, c'est incroyable. Cette femme, cette église est tellement dans la gloire ici, tellement glorieuse, que son époux la vante. Mais si Jésus entre dans nos églises, frère, il va voir quoi? les églises ethniques, les noirs avec les noirs en France, les blancs avec les blancs, séparation. On a mis en place, remis en place le mur de séparation. On l'a reconstruit. Parce que quand on prêche la parole, on prêche et l'on vit dans ses coutumes. On colonise les gens. Quel parfum l'église dégage-t-elle? Et regardez, mes amis, le chapitre 8, c'est que le Seigneur dit à l'église ici: viens avec moi du Liban, ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de la Manna, du sommet de Séhir et de l'Hermon, des tanières de lion, des montagnes de léopard. Tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un de tes colliers, les colliers de ton cou. Waouh! Le Seigneur appelle l'église ma soeur. Quelle relation! Ma soeur! Est-ce que ta fiancée est-elle aussi ta soeur? Est-ce que ta femme est-elle aussi ta soeur? Ou est-ce que c'est ton esclave? Quelle parole! Mon ami, ma fiancée, viens sur la montagne de l'Hermon, Sion. Oh my God, la Sion céleste. Viens, c'est l'enlèvement. Viens. Que de charme dans ton amour. Mes amis, les charmes, là, le Seigneur, Dieu en a besoin. Oh, Dieu veut que tu le charmes aussi. Oh. Les religieux ne veulent pas de charme. Hein? Les religieux sont là, mes amis, tout est figé, tout est sclérosé. Jésus a besoin de tes charmes. C'est ton chéri. Et pour le charmer, tu sais le secret, c'est quoi? C'est qui plutôt? Le Saint-Esprit, qui sonde les profondeurs de Dieu, qui connaît son cœur et qui peut te mettre de belles paroles pour lui. Ah, tu es mon chéri d'amour. Tu es mon doudou. Je t'aime. Mon cœur est épris de toi. Je t'aime plus. Quand tu lui parles comme ça, tu es seul avec lui. Il n'y a ni apôtre, ni prophète, ni docteur. Tu es mon bien-aimé. Je t'aime, mon chéri d'amour. Et là, son cœur. Et quand son cœur est touché, mes amis, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je te dis, va devant Dieu. Dis, donne-moi. Mais si tu es l'épouse, si tu as la révélation de l'époux, tu iras devant son trône et tu diras, mon chéri, je suis épris de toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Mon cœur ne peut plus se passer de toi. Je suis amoureux de toi. Tu es mon bien-aimé. Le parfum de ton cœur me réjouit le cœur. Tes yeux me plaisent. Jesus. My God, je le kiffe. Il est spécialement particulièrement spécial. Dans Jean 1, on le dit souvent, non? Hallelujah, et la parole qui est au commencement. Dans Jean 2, il change l'eau en vin. Dans Jean 3, il confond la tradition, mes amis, avec Nicodème, la religion, mes amis. Dans Jean 4, il raconte la femme samaritaine, la prostituée. Dans Jean 5, il guérit cet homme malade depuis 38 ans. Dans Jean 6, il y a le pain de vie. Dans Jean 7, il dit, celui qui croit en moi, les fleuves de vie couleront dans son sein. Dans Jean 8, il y a la vérité qui est franchie. Dans Jean 9, il guérit cet homme né aveugle. Jean 10, le bon berger. Jean 11, la résurrection. Jean 12, il mange avec Lazare. Jean 13, il lève les pieds des apôtres. Jean 14, il promet l'esprit. Il s'en va pour prendre une place. Jean 15, le vrai cèpe. Jean 16, l'esprit. 17, le souverain sacrificateur. Jean 18, qu'est-ce que la vérité a pu être pour la question? Jean 19, tout est. Tout est. je l'aimerai. Dans Jean 20, la résurrection, il est sorti. Il est sorti. L'esprit de mort quitte quelqu'un qui est vendu, lié à la mort, parce que Dieu t'aime. Il te rend libre, pleinement libre. La mort te quitte. Au nom de Yeshua. Choix, tu n'as plus aucun droit, jeune femme. Cette mort te quitte. Tu as fait beaucoup de cauchemars, des songes. Tu voyais des cercueils de gens qui sont morts depuis, et tu as demandé à ce que Dieu te rende libre. Que Dieu te rende libre. Sortez! Asseyez-vous. Sortez. Cette personne est libérée. Au nom de Yeshua, je dis c'est fini. Tu as fait beaucoup de cauchemars où tu as vu ce serpent t'attaquer à chaque fois. Tu as fait plus de 3 songes, tu as vu ce serpent. Je dis là où tu es assise, ce serpent est en train de monter. Il est en train de m'insulter. Sortez! Acclame le Seigneur. Sortez! C'est un serpent. Amène-la. Acclame Dieu. Sors. Au nom de. Regarde. Ça sort. Prends l'enfant. Sortez. Amène-la moi. C'est un esprit de corbeau. Acclame Dieu. Amène-la. Les démons ont chaud au nom de. Il y a un esprit en forme de grenouille qui est là sur une personne juste là. Tu vois, depuis des années, tu sens comme un fardeau sur tes épaules, comme pas possible. Tu sens comme si tu portes quelque chose sur ton dos et c'est lourd. Et il n'y a que des pensées impures qui te viennent à chaque fois. Que des pensées macabres, des pensées impures. Et ça t'empêche de vivre. Quand tu médites même la parole de Dieu, tu n'arrives pas à le faire. Et tu as prié que Dieu t'aide pour pouvoir méditer sa parole. C'est comme un voile, cet esprit-là te voile. Et t'empêche de rentrer dans la révélation de la parole de Dieu. Et alors qu'au fond de toi, tu aimes le Seigneur. Dieu dit, je te rends libre ce soir. Tu reçois ta délivrance. C'est une femme également. Je t'accorde ta délivrance parce que je t'aime, femme, parce que je t'aime. Tu as tellement ce fardeau-là, c'est tellement lourd. Et tu sens ton corps à chaque fois lourd. Et là où je parle, tu sens comme s'il y a une colère qui monte du fond de ton cœur. Comme si tu as envie de fuir, tu as envie de courir, tu as envie de te cacher. Et Dieu dit, ce ne sont pas tes sentiments. Je te rends libre ce soir. Sortez! Acclame le Seigneur. Porte-la, amène la main ici, vite. C'est comme ça que tu acclames le Seigneur quand il guérit son père, frère. Oh! Amène-la.